지 지구고 가지 어지 지구고 가지 어지 지구고 Passons mon genre si tu tousses. Bébé va te refaire les fesses. Pas le temps pour faire du squat. Elle a tellement mouillé quand j'ai doigt et que j'en ai les mains à moi. J'ai vu qu'on des corons. Pourquoi il faut tomater sa licole. Donc elle veut péter pendant que blot. Sa bibi ta détaille des kilos. J'ai mon joujou caché dans la vague. Nouvelle prod, nouveau style, nouvelle catégorie. Je vais leur briser l'orifice. Je vais m'apporter du bénéfice.